Vous croyez vraiment que les gens qui ont les plus belles vies travaillent 90 heures par semaine? Voyons donc, vous croyez sincèrement que les personnes qui gagnent 10 à 100 fois plus d'argent que vous travaillent 10 ou 100 fois plus d'heures que vous? Pas du tout. Les gens qui réussissent sont même ceux et celles qui travaillent le moins. Moins d'heures de travail égale plus de richesse. Mais ces personnes se donnent la peine de mettre au point les méthodes qui leur permettent de maximiser leur efficacité et ainsi d'avoir la possibilité de vivre une vie plus excitante que la moyenne. Avec de plus en plus d'Européens qui font le trajet pour participer au séminaire du motivateur québécois, Pierre Morency espère s'implanter prochainement sur les marchés français, suisses et belges. Quant à lui, le motivateur américain Anthony Robbins propose déjà des conférences en Europe. Ses perspectives de croissance ne mettent pas fin pour autant au débat sur les motivateurs, avec d'un côté ceux qui n'y voient qu'une escroquerie commerciale et de l'autre ceux qui prétendent y avoir trouvé le moyen de changer leur vie. Un débat qui est loin d'être tranché. Mike Croffel est spécialiste des mouvements issus du développement personnel au Canada. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui le succès des motivateurs? Je pense qu'on a toujours eu différents cours et sessions. Il y a toujours eu des cours et des formations basées sur le fait qu'il existe un moyen simple et facile pour avoir du succès, une sorte de recette magique. C'est un peu comme les publicités à la télévision qui disent « Achetez notre produit et vous serez heureux. Achetez notre produit et vous gagnerez beaucoup d'argent. » L'homme a toujours eu besoin de croire qu'il existe une recette simple et magique. Et nous sommes plus souvent portés à croire ce genre d'idées en période de transition, d'angoisse ou de difficulté. Et comme le besoin est là, il y aura toujours des personnes pour vendre des produits ou des idées pour y répondre. Par contre, il ne faut pas sous-estimer l'effet placebo. Dans certains cas, le fait de participer à un séminaire va aider les gens ou va leur permettre d'obtenir des résultats. Mais dans d'autres cas, vous aurez beau dépenser des milliers de dollars, vous n'obtiendrez aucun résultat. Dans d'autres cas, vous pouvez peut-être dépenser des milliers de dollars sans aucun résultat. Alors Pierre Morency, vous n'êtes pas uniquement conférencier, vous êtes aussi chanteur. J'écris et je compose. Ma fille est chanteuse. J'écris paroles et musique. C'est un peu par hasard. J'ai écrit la chanson « Yes, on est dans marde » comme chanson de motivation pour le public en général, pour finalement dire que quand ça va pas bien, c'est peut-être une chance. Lorsqu'on a des problèmes, peut-être que le problème va se convertir en avantage, puisque le fumier sur Terre, sans fumier, pas d'engrais, pas de nourriture, donc il faut du fumier. Alors, vous cherchez une expérience de vie différente? Vous voulez connaître les moyens de réaliser vos désirs? What about that 90%? Shouldn't we focus on that and believe that we can be the chance en pouvoir qui cherche une meilleure vie? Motivateur, les promoteurs du rêve américain, un documentaire de Damien Bertrand. Écoute bien mon ami, car ensemble je te le dis, que l'on va créer ton paradis. Demandez, vous recevrez. Vous avez certainement déjà lu cette phrase dans la Bible, voyez. Alors, vous avez demandé quoi en vous levant ce matin? Rien. Alors, vous aurez quoi ce soir en vous couchant, vous pensez? Rien. C'est sûr. C'est simple, mais c'est vrai. Si vous ne demandez rien de précis, vous ne recevrez rien de plus. Tu sais plus quoi faire, même quand tu la tapes.